attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour. Bonjour, donc on va... l'émission d'aujourd'hui, enfin c'est toujours sur le thème, le cycle, donc que voulons-nous. Donc angle d'attaque, notre ami Christian n'est pas présent, donc on a donc Ludovic, le gramscien, comme dit Christian. Morgane qui nous fait le rédacteur et votre serviteur, donc qu'il appelle le novellisme. Bon. Plus Florent, le maître du temps à la technique. Notre invité, c'est donc Luc Semal qui a participé à un livre très intéressant qui s'appelle Décroissance au pluriel. Et voilà, enfin c'est donc vers lui qu'on va tourner nos questions qui concernent justement la décroissance, mais pas que la décroissance. Hein. On commence avec Ludovic. Oui, alors bonjour Luc, tout d'abord, merci de nous avoir répondu favorablement à cette invitation. Donc pour clore donc cette année, et continuer donc toujours sur ce cycle. Donc tu as publié donc un article qui s'appelle Le vertige d'une décroissance en catastrophe, donc publié dans l'ouvrage qui a été mentionné par Didier, donc décroissance avec un S, coordonné par François Jarige, donc grand historien des techniques, et Hélène Torjman, qui est économiste, donc avec beaucoup de contributions, dont Serge Latouche et Timothée Paric et Luc Semal. Voilà. Et voilà, donc l'idée, c'est effectivement d'aborder donc la question de la décroissance. Alors peut-être pour démarrer, peut-être une citation de Jean Covici, qui peut-être... certains diront que Jean Covici n'est pas vraiment un décroissant, mais voilà, je sais qu'il fait polémique, en tout cas dans le Landerneau écologique, mais je trouve que cette citation est tout à fait, en tout cas me semble-t-il, assez juste. Je cite Jean-Marc Jean Covici: « Je ne souhaite pas la décroissance, comme je ne souhaite pas vieillir. Pourtant, c'est une réalité à laquelle je vais devoir me résoudre. » Donc l'idée un peu de cette émission, c'est essayer un peu de lancer un peu le débat autour un peu de cette idée d'articuler un peu entre décroissance subie ou décroissance choisie. Et si on entend plutôt Jean Covici, c'est plutôt une décroissance ici choisie. Alors peut-être avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif du débat sur la question de la décroissance et décroissance choisie ou décroissance subie, est-ce que Luc, tu voudrais peut-être revenir un peu sur l'actualité chaude, en l'occurrence celle qui s'est passée aux Émirats Arabes Unis avec la COP28. Est-ce que tu aurais éventuellement voilà, quelques mots à dire pour éventuellement commencer un peu à avant qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet sur ces questions-là de COP28, est-ce que ça te paraît est-ce que ça, y a quelque chose à en dire de significatif, ou est-ce que ça reste la décision qui a été prise, donc en l'occurrence ici de diminuer les énergies fossiles, est-ce que ça te paraît voilà simplement un vœu pieux, ou c'est quelque chose qui de ton point de vue te paraît peut-être positive, ou en tout cas quelque chose qui pourrait éventuellement nous sortir peut-être de l'ornière dans laquelle nous sommes. Bien. Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Sur la COP28, et effectivement, j'ai pas encore, pour être honnête, regardé en détail le texte qui en est sorti. Ce que je peux en dire pour l'instant, c'est déjà je fais pas partie de ceux qui diraient que ça ne sert à rien ce type de texte. Je pense que c'est important qu'il y ait des négociations internationales sur ce sujet. Mais ce que j'en pense à chaud, c'est que le fait que il y ait autant de mal à nommer ce qui devrait être une évidence, à savoir la sortie des énergies fossiles, et le fait que ce ne soit pas tel quel dans le texte final, montre qu'il y a quand même toujours un refus ou une reculade devant ce qui devrait être une évidence si nous voulons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, et donc on est très loin d'une perspective de décroissance. Voilà. Et le diable se niche dans beaucoup de détails. Hein. On a beaucoup parlé du terme unabated. Donc voilà, on voit bien que même les pas qui sont faits pour une éventuelle réduction des consommations d'énergie fossile sont sans cesse contrebalancés par des ouvertures vers la promesse de solutions techniques qui, en fait, nous permettraient éventuellement de contourner cet impératif de décroissance. Et voilà, donc ce texte est peut-être le meilleur qu'on pouvait obtenir, mais ça n'en fait pas un bon texte. Oui, et puis pour l'instant, justement, on n'a qu'un texte. Ce n'est qu'un texte, bien sûr. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Paris en 2015. Voilà, on prend beaucoup d'engagement. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on les tient. C'est ça. Donc, on verra ce que nous livre effectivement l'avenir. Alors, effectivement, sur la décroissance, donc effectivement, tu laisses entendre que la décroissance est quasiment, elle est un impératif. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir effectivement sur ce caractère un peu impérieux de la décroissance et en quoi la décroissance véritablement est une forme de principe de réalité pour toi eu égard à l'effondrement de la biodiversité et au changement climatique que l'on connaît. C'est un impératif si on souhaite limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, hein, comme le disait l'accord de Paris. Je pense que moi, c'est comme ça que je l'appréhende. C'est-à-dire que quand on regarde les objectifs qui, ne serait-ce que de l'accord de Paris, qui demanderaient des réductions massives des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, et ensuite la neutralité carbone d'ici 2050, on est sur un rythme et une ampleur de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui impliquerait un rythme et une ampleur de réduction de consommation d'énergie qui font que la décroissance me semble un peu incontournable si on veut respecter cet engagement climatique. Voilà. Après, on peut toujours faire le choix, et peut-être c'est le choix qu'on est en train de faire sans le dire, hein, de repousser autant que possible cette confrontation aux limites écologiques, aux limites planétaires, mais le coût sera social et environnemental sera d'autant plus élevé plus tard. C'est en ce sens-là que c'est un impératif. En fait. Donc pour toi, la décroissance, qu'elle soit choisie ou subie, elle est inévitable en quelque sorte. Alors, c'est une espèce de destin auquel l'humanité n'échappera pas. C'est là qu'on pourrait davantage ouvrir la boîte de la décroissance. Et c'est vrai que on est assez facilement enfermé dans des débats binaires, décroissance subie, décroissance choisie. Je pense que ce qui est incontournable, ça va être la confrontation à ces limites planétaires. Là où on n'a pas le choix, c'est qu'il me semble que la décroissance est incontournable si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Mais on peut aussi faire le choix, comme je disais, de ne pas limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, et vu les trajectoires actuelles, c'est plutôt ce qui est en train de se passer. Alors, on pourrait aussi questionner est-ce que c'est un choix, etc. Bon. Décroissance subie, décroissance choisie. En fait, la décroissance, si on revient sur une définition un peu partagée dans le mouvement de la décroissance, ce serait une réduction de la consommation et de la production, décidée démocratiquement, dans une perspective de justice sociale. Parfois, produire et consommer moins, répartir mieux, décider ensemble. Donc, il y a un impératif de retour à un seuil de soutenabilité écologique. Ensuite, il y a un objectif de partage, de justice sociale, de justice climatique. D'émancipation. Et puis, il y a un enjeu de décision démocratique, que ce ne soit pas imposé par tel ou tel gouvernement autoritaire, ou que ce ne soit pas imposé par les faits. Donc, il y a une part de... En fait, la décroissance, depuis que ce mouvement social existe dans le début des années 2000 et depuis que la notion existe dans les années 70, il y a un tiraillement parmi les théoriciens et les acteurs de la décroissance entre la décroissance comme projet et la décroissance comme destin. Et même quand c'est un projet conçu à l'ombre des catastrophes écologiques qui se passeraient si on ne s'oriente pas vers une modération de la consommation et de la production. Ce qui est assez terrible dans les années 2020 que nous sommes en train de vivre en direct à chaud, c'est que on est vraiment dans un contexte d'assombrissement des horizons climatiques et écologiques. Et que cette cet objectif de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, on a tellement tardé, que la pente de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait aujourd'hui organiser devient telle que même la décroissance qui était relativement modérée, qui aurait été relativement modérée dans les années 2000, devient assez raide. Et donc, c'est vrai que la part d'utopie et d'émancipation tend à se réduire face à la brutalité des faits. Et donc, tout l'enjeu de la décroissance, j'allais dire de la sobriété, mais finalement, on n'est pas loin, hein, c'est d'essayer de, dans cet espace d'émancipation, d'organisation et ce temps qui se réduise, essayer de maintenir une dynamique d'organisation collective, ou au moins de faire naître une dynamique d'organisation collective qui soit démocratique, choisie, anticipée. Mais il ne faut pas se voiler la face, à mon avis, sur le fait que les contraintes sont fortes. Donc, ce n'est pas juste décroissance choisie, c'est décroissance subie. C'est décroissance choisie dans un contexte de contraintes fortes qui font que c'est compliqué. Et la décroissance, c'est des émancipations et c'est des renoncements. C'est les deux. Et il faut que ce ne soit pas que des renoncements. Il faut que ce soit aussi des émancipations. Par exemple, travailler moins, partager plus. Didier, sur le livre, est-ce que tu peux nous parler, enfin, le livre s'appelle donc Décroissance au pluriel, on l'a dit, et ça envisage quand même la question de la décroissance sous des tas d'angles, hein, qui sont originaux et pertinents. Bon, d'abord, Paul Ariès n'est pas là. Est-ce que c'est un problème éditorial, ou est-ce que c'est juste... Alors, pour être honnête, je ne sais pas. Je n'ai pas participé à la sélection des 10 auteurs. On aurait pu en ajouter d'autres. Beaucoup d'autres, oui. Yves Cochet n'est pas là non plus. Non, Yves Cochet, c'est... Tu parles de volonté de stabilisation. Enfin, j'en viens particulièrement à ton chapitre, hein, ton article. Donc, tu parles de volonté de stabilisation au début des années 70, avec ce qu'on a appelé le Club de Rome, le rapport Meadows, enfin, des alertes déjà sur l'accélération. Puis après, tu parles d'accélération de la croissance, justement, qui fait que les alertes qui ont été un peu diffusées, un peu ressenties dans les années 70, après, ça s'est reparti quasiment en pire, quoi. Dans les années 70, le terme de décroissance, on va le trouver très ponctuellement dans les débats. Et quand on regarde le calcul, rétrospectivement, le calcul de l'empreinte écologique, qui n'existait pas à l'époque, mais on a pu le recalculé à partir des années 90. En fait, à l'échelle mondiale, au niveau des consommations, dans les années 70, ce que dit bien le Club de Rome, c'est qu'on n'a pas encore dépassé les limites de la soutenabilité. Les sociétés humaines, à l'échelle planétaire, dépassent l'empreinte écologique d'une planète, un peu symbolique, dans les années 70 ou 80. Donc on pouvait imaginer, dans les années 70, en plus il y avait du temps, on n'avait pas encore dépassé les 350 particules par million ppm au niveau climatique. Donc, on aurait pu imaginer, à cette époque-là, une simple stabilisation à l'échelle globale. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde ce que ça veut dire concrètement, cette stabilisation, il y avait déjà des riches, notamment dans les pays riches, qui avaient des empreintes écologiques insoutenables à l'époque. Et donc, pour eux, ça aurait signifié une forme de décroissance, si on l'avait fait dans une perspective juste. Mais ce n'était pas une décroissance à l'échelle planétaire. Une stabilisation à l'échelle planétaire qui impliquait une décroissance pour les plus riches. C'est un peu ce que dit René Dumont à l'époque, sans utiliser le mot décroissance, mais quand il dit que les plus riches sont les principaux consommateurs de ressources et les principaux pollueurs. Dans les années 2000, au début du mouvement de la décroissance, ça a déjà bien changé. La décroissance, à ce moment-là, s'explique par le fait qu'entre-temps, on a dépassé les seuils de soutenabilité. Ça se voit au niveau climatique, ça se voit dans le calcul de l'empreinte écologique, ça se voit dans le jour du dépassement, hein, qui est un dérivé de l'empreinte écologique. Et donc, dans les années 2000, on est déjà dans un... Si on veut revenir à un seuil de soutenabilité, encore une fois, il y a une décroissance de la production et de la consommation qui serait organisée. Et donc, déjà, pour le dire très très vite, hein, les classes moyennes commencent déjà à être davantage impactées. Aujourd'hui, dans les années 2020, on a consommé une part vraiment significative de notre budget carbone mondial, hein, pour utiliser des expressions un peu barbares. Mais voilà, ça fait, comme je disais, la pente de réduction des émissions de gaz à effet de serre et le rythme sont tels qu'on ne peut pas dire que ce ne sont que les plus riches ou les classes moyennes qui sont concernées. On est vraiment sur un objectif de réduction très compliqué à organiser. Et... Et d'une certaine manière, nous héritons d'une situation qui s'est partiellement décidée dans les années 1970. Hein, nous sommes les générations futures de décisions très malheureuses des années 1970. Hein, on a perdu beaucoup d'occasions qui ne reviendront plus. C'était encore possible dans les années 70, ça l'est moins maintenant. C'est toujours possible, techniquement. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière possible. Techniquement, c'est possible. Je pense. Hein. Mmh. Ne serait-ce que le GIEC le dit, et moi je ne suis pas climatologue, je n'ai pas de raison de remettre en cause ce que dit le GIEC. Même 1,5, peut-être, ce serait encore possible. Mais ça impliquerait des réductions telles que c'est... On est dans une... socialement très très improbable. Notamment, si on regarde en plus les aspects géopolitiques, etc., il faudrait que ce soit coordonné mondialement, on n'y est pas du tout. Donc effectivement, c'est techniquement possible, ce serait techniquement possible. Rien ne nous empêche anthropologiquement d'organiser collectivement une réduction, une sortie des énergies fossiles. On aurait pu le décider. Il n'y a pas d'obstacle technique. Mmh. Mais est-ce qu'on a envie? Et qui est on? Et justement, pour revenir au livre, ça s'appelle « Décroissance au pluriel », donc c'est un peu un bilan depuis les premiers mouvements décroissants de 2002, avec la publication notamment du journal sur la décroissance, des premiers actions anti-pub, etc. Donc c'est un peu un bilan 20 ans après, on peut dire. C'est ça, le projet du livre, donc qui a vraiment été initié par François Jarige et Hélène Dorjman, était, à l'occasion des 20 ans du mouvement de la décroissance, de proposer à plusieurs personnes qui ont accompagné ce mouvement, hein, venues de différentes disciplines, avec différents regards, avec différents âges aussi, hein, certains qui ont connu les années 70, d'autres non, de faire un peu plutôt un état des lieux. Où en sommes-nous aujourd'hui en tant qu'auteur, hein, moi ce qu'on m'a dit, c'est que tu es assez libre d'aborder la question telle que tu la vois aujourd'hui. Donc c'est ce qui, moi, m'a amené à essayer de travailler cette idée d'une décroissance qui devient vertigineuse. Nous avons tellement tardé, encore une fois on pourrait mettre des guillemets sur le « nous », les sociétés ont tellement tardé, qu'on ne parle plus tout à fait de la même décroissance aujourd'hui que dans les années 2000. On est beaucoup plus pressé par le temps et pressé par les faits. Et ça change la nature même de la décroissance qui est proposée. Et tu as parlé en répondant aux questions de Ludovic sur la décroissance, notion de décroissance subie, notion de décroissance souhaitée, j'allais dire planifiée, mais qu'est-ce qui distingue finalement, tes théories, enfin je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais qu'est-ce qui les distingue de ce qu'on a appelé la collapsologie ou l'effondrisme ou des théories qui un peu catastrophes Alors, pour moi, il y a des recoupements, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des recoupements dans le sens où, pour moi, tout ça s'inscrit dans la tradition de la pensée écologique, hein, depuis les années 60-70, qui... il y a plusieurs manières de l'aborder, mais moi, je tends à l'aborder, la pensée écologique, comme une tentative, et l'écologie politique, comme une tentative de confrontation aux limites planétaires ou aux limites à la croissance, et une tentative d'imaginer une organisation collective des sociétés qui serait compatible avec le respect de ces limites. Le mot effondrement, il accompagne l'écologie politique depuis ses débuts comme une manière de nommer les conséquences possibles du dépassement des limites. Alors, on peut questionner la pertinence du mot effondrement. Est-ce que l'effondrement est certain, etc. L'effondrement, pour moi, c'est une des conséquences possibles du dépassement des limites. On peut aussi aller vers des formes de dégradation lente, d'enfermement dans des dystopies de sobriété imposée ou des choses comme ça. Alors, certains vont prendre effondrement au sens très large et vont dire c'est une forme d'effondrement lent, ça s'entend. Mais effondrement, disons, dans le débat public, ça véhicule l'idée de quelque chose de rapide et de relativement datable. Qu'on le veuille ou non, l'effondrement, c'est quelque chose de rapide. Et donc, je ne refuse pas complètement l'utilisation du mot d'effondrement, mais je dis attention avec ce terme qui véhicule des imaginaires qui sont pas forcément... n'englobe pas l'ensemble des possibles de la catastrophe écologique globale. Ils peuvent être aussi démobilisateurs d'un point de vue social. Éventuellement. Alors ça pourrait aussi se discuter. Pour moi, les sociétés humaines sont embarquées sur une trajectoire catastrophique, relativement lente à l'échelle de nos vies humaines, mais fulgurante à l'échelle des temps géologiques et évolutifs, qui a un potentiel apocalyptique. Ça peut dégénérer en guerre nucléaire totale, c'est pas une certitude, et qui peut connaître des phases d'accélération, d'emballement ou d'effondrement. Et on peut avoir des phénomènes d'effondrement, mais voilà, je trouve que c'est plus complexe que l'effondrement est certain et l'effondrement est certain et imminent. Voilà, donc finalement la décroissance, tout ce débat autour de la décroissance choisie. Alors certains acteurs vont vous dire c'est la décroissance subie. Pardon, je vais vous le dire, décroissance subie. La décroissance subie, c'est un oxymore. La décroissance serait forcément choisie. Comme je disais, je comprends cette tentative de faire une distinction, elle est importante, mais elle est un peu théorique. En pratique, en 2023, si nous mettions en œuvre une décroissance en tant que société, ce serait évidemment à l'ombre de catastrophes à venir, ou déjà en cours, hein, le réchauffement climatique ne peut pas se conjuguer qu'au futur, c'est aussi une réalité en cours. Donc, et est-ce que ça pourrait totalement éviter les phénomènes d'emballement, d'effondrement ? Ben, je ne sais pas. On rentre aussi en territoire totalement inconnu. Donc il y a des recoupements. Pour moi, encore une fois, on revient sur cette idée de décroissance tiraillée comme projet destin. On va être confronté, je pense qu'on rentre dans du... Pour reprendre une expression de Baird, de Léage et Emery, plutôt sur la question énergétique, on rentre dans une période de crise durablement répétitive, qui peut connaître des phases d'accélération. Et l'idée est d'essayer d'organiser, l'idée de la décroissance, c'est d'essayer d'organiser les choses démocratiquement pour répartir équitablement les ressources et les contraintes. C'est ce qu'on peut faire de plus démocratique dans cette situation très tendue dont on hérite, essayer de répartir les choses de manière juste, avec un esprit de justice sociale, de justice climatique, de justice écologique. D'accord. Oui, donc ça tombe bien justement, je vais embrayer du coup en parlant de justice sociale, justice climatique. Alors qu'on vit actuellement, j'ai envie de dire, le commun des mortels, les classes populaires comme aussi les classes moyennes vivent et subissent là une inflation qui s'installe. Le fait de dire, on entend bien parler de décroissance, mais là on est dans un modèle de société de consommation où pourtant, comme je dis, le commun des mortels n'est pas forcément dans la surconsommation, mais dans les arbitrages, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre à consommer tel bien de consommation, un téléphone portable, va être moins à acheter des vêtements. On voit par exemple, là, l'ouverture des magasins Shein. On avait vu ça à Paris, par exemple, des files d'attente de jeunes, en fait, qui sont a priori plus sensibilisés par rapport au réchauffement climatique, qui disent, bah oui, on sait très bien que Shein, c'est une catastrophe pour l'environnement, mais nous, comment on peut faire autrement que parce que c'est pas cher, et bon. Donc, comment faire, en fait, pour rendre la décroissance possible et acceptable par tous, surtout en prenant en compte que il y a vraiment un décalage entre y compris les classes populaires, les classes moyennes et les classes plus riches, en fait. Oui, c'est une vraie question. Je vais pas avoir la solution absolue. Non, ce que je peux dire, c'est que souvent, quand on parle de décroissance, on oppose les classes populaires, voire les classes moyennes n'en veulent pas. Moi, j'aime bien rappeler dans ce cas-là que les premiers à ne pas vouloir la décroissance, c'est quand même les ultra-riches et les riches. Hein. C'est eux aussi qui bloquent. Ils ne sont pas partisans de la décroissance. Et que la décroissance, les acteurs de la décroissance disent souvent, c'est d'abord une décroissance des inégalités. Donc la décroissance, c'est un projet de justice sociale. Quand je parle de répartition des ressources et des contraintes, ça veut dire que les contraintes doivent d'abord peser sur les plus riches. Il est hors de question de faire peser des contraintes sur les classes populaires avec s'il y a des échappatoires pour les riches et les plus riches. C'est pas tout le monde réduit de 10% que vous soyez riche ou pauvre. Une des propositions historiques du mouvement de la décroissance, c'est un revenu maximum, un revenu maximal. Hein. Pas seulement du salaire, aussi de l'ensemble des revenus. Donc on est vraiment là dans une tradition de la gauche, en fait. Hein. La réduction des consommations, malheureusement, encore une fois, je reviens sur le rythme et l'ampleur. Des réductions d'énergie, des consommations d'énergie qu'il faudrait organiser. Malheureusement, réduire la richesse des plus riches ne suffirait pas. Voilà. Je pense que c'est nécessaire, mais ça ne suffirait pas. C'est pour ça que c'est compliqué, la décroissance. Et je pense que ce serait une erreur de dissimuler ça. On va pas répondre à la crise écologique sur un malentendu. Je pense que c'est un vrai problème et il faut le poser sur la table et il faut le regarder ensemble. J'ai tendance à dire que, contrairement à une idée reçue, la démocratie peut imposer des contraintes aux individus, aux groupes sociaux. Les impôts, c'est une contrainte. On n'est jamais content quand on fait le chèque, en général, mais on entend, normalement, qu'il est raisonnable de payer ses impôts pour qu'il y ait une mise en commun. Voilà. Donc c'est une contrainte. Le code de la route, c'est une contrainte. L'éducation obligatoire jusqu'à 16 ans, c'est une contrainte. La contrainte en démocratie, elle est entendable, elle est tenable si elle est, c'est peut-être pas exhaustif, mais en gros, si elle est juste, justifiée et proportionnée. Voilà. Vous considérez que c'est justifié parce qu'il y a une bonne raison. C'est juste parce qu'il n'y a pas de passagers clandestins. Et c'est proportionné. Voilà, c'est la question de la proportion. Voilà. Bon. C'était le cas pour le confinement, par exemple. C'est aussi une contrainte collective qu'on décide. Alors, on peut discuter des modalités, mais il y a quand même une partie significative de la population qui a considéré que c'était entendable. Est-ce qu'on pourrait, avec cette grille de lecture-là, considérer que des contraintes écologiques fortes sur la consommation pourraient être mises en œuvre? Moi, je pense que oui, mais à condition de déjà qu'on s'entende sur le fait que c'est justifié. Je crois que ça progresse, mais qu'on n'y est pas encore tout à fait. Je pense qu'on peine à faire saisir les ordres de grandeur. L'avion, c'est difficilement compatible avec une trajectoire de 2 degrés et encore plus de 1,5 degré. Avec un aller-retour intercontinental, vous grillez votre budget carbone pour l'année, quasiment. Donc, est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est juste? Ben là, il y a un véritable enjeu. Quand Elisabeth Borne, par exemple, dit qu'on peut être sobre et riche, en même temps, je fais, non, ça marche pas. À un moment donné, il faut le poser sur la table, le fait qu'on sait très bien que les plus riches sont les plus consommateurs et les plus producteurs. Alors, il y a beaucoup de débats très intéressants sur l'ampleur du décalage entre l'empreinte carbone des plus pauvres et l'empreinte carbone des plus riches. En gros, si vous achetez un sac de luxe qui coûte 1000 euros, l'empreinte écologique n'est pas 100 fois supérieure à un sac de mauvaise qualité qui coûte 10 euros. Donc, voilà, donc il faut être plus fin, mais grosso modo, les plus riches se déplacent plus, prennent plus l'avion, ont des maisons plus grandes, même si elles sont mieux isolées, ils ont aussi des résidences secondaires, ils ont des voitures plus grandes. Il n'y a pas à tortiller. L'empreinte écologique des plus riches est plus grande. Donc les contraintes doivent d'abord peser sur eux. Et ça, je pense qu'on commence à l'entendre. René Dumont le disait déjà, mais c'était plus une intuition pour René Dumont que quelque chose d'objectivé par des chiffres dont on dispose. Ce n'est peut-être que symbolique du point de vue du volume des émissions de gaz à effet de serre concernées, mais les jets privés, c'est quand même incroyable qu'on peine autant à trouver un consensus sur le fait que ce n'est pas compatible avec une transition écologique juste. Il n'y a aucune raison valable pour justifier le jet privé ou le yacht privé. Aucune. Et donc... Donc, le problème pour moi, c'est pas d'abord les classes populaires, c'est pas d'abord les classes moyennes, c'est d'abord qu'il faut réussir à poser le fait qu'il y a un barrage durable des ultra-riches depuis les années 70 sur ces questions écologiques, qui aujourd'hui se cristallisent sur le mot décroissance. Voilà, et commençons par ça, peut-être. Alors, commencer par ça, étant donné qu'on a très peu de temps, c'est une expression un peu piégeuse, hein, mais en tout cas, ne sombrons pas dans l'illusion que ce sont les classes populaires qui sont les plus vent debout contre la décroissance. Enfin, vraiment. D'accord. Et justement, du coup, je parle juste du confinement. On peut aussi parler de la guerre en Ukraine pour ce qui concerne les mesures contraignantes. On peut revenir un peu dans le temps, d'ailleurs, au moment de la Seconde Guerre mondiale, il y avait effectivement un péril civilisationnel, et pourtant les démocraties ont su mettre en place des mesures contraignantes. Ils ont su Mettre en place des contraintes fortes au niveau des riches, notamment une très forte imposition. Et des politiques de rationnement, justement. Et des politiques de rationnement, justement. Est-ce que tu penses justement qu'à ce titre, il faudra en arriver à une même situation, en fait ? Alors, ce que je mentionne sur le rationnement, vous avez tout à fait raison de le mentionner, hein. J'en parle un peu dans mon article. Tout ça, je le dois aux travaux de ma compagne, hein, par ailleurs Mathilde Chouba, qui est politiste à Sciences Po Lille et qui travaille de longue date, hein, sur ces questions de rationnement comme source d'inspiration possible pour une politique de décroissance. Alors, il y a des expériences passées de rationnement qui sont intéressantes. Premièrement, il faut rappeler que ce sont des sources d'inspiration. Si jamais on allait vers des politiques de rationnement, entre guillemets, ce ne serait pas les mêmes que par le passé. Ce qui est intéressant dans le rationnement, c'est que c'est une organisation politique du partage. On a tendance à l'oublier parce qu'en France, les derniers épisodes de rationnement qu'on a eus, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un rationnement injuste, particulièrement dur, parce qu'il était imposé par l'occupant allemand avec des rations tellement faibles qu'il était quasiment obligatoire de recourir au marché noir, et le marché noir, c'est en fait les plus riches qui s'en sortent le mieux. Donc c'était particulièrement injuste, etc. Cette histoire-là française du rationnement, on peut la mettre en comparaison avec l'histoire britannique du rationnement pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, le rationnement, c'est pas sympa. Mais le rationnement au Royaume-Uni, c'est un peu l'aura que pouvait avoir la résistance en France. Si on fait une comparaison, on va casser les limites aussi, mais c'était un instrument politique d'organisation de la résistance à l'agression nazie, voilà, pour le dire rapidement. Et c'était un outil de partage. Alors certes, les plus riches avaient encore des marges de manœuvre. Hein, quand vous avez un château à la campagne, c'est plus simple d'avoir des poules dans l'arrière-cour et donc vous avez des œufs, etc. Mais disons que sans le rationnement, ça aurait été la porte ouverte à tous les accaparements. En fait, le rationnement, il y a deux choses dans le rationnement. Et donc, rationnement ou pas rationnement, je pense que là, c'est quelque chose qui pourrait vraiment inspirer la décroissance. Le rationnement, c'est une limitation des surconsommations des plus riches, et c'est un droit d'accès pour les plus pauvres. C'est ça, le rationnement. Alors, est-ce que la décroissance, ça doit forcément passer par des politiques de rationnement ? Je sais pas. Simplement, quand j'entends Elisabeth Borne, par exemple, dire la sobriété, c'est pas le rationnement, c'est dommage. C'est dommage qu'on s'en inspire pas un peu. Parce qu'il y a des choses intéressantes dans le rationnement. Je pense que ce qui serait vraiment intéressant serait d'organiser la limitation des surconsommations et en regard le droit d'accès. Parce que si on raisonne dans un monde de ressources finies ou de ressources forcément contraintes, les surconsommations des uns, c'est forcément les privations pour les autres. Et donc, c'est important d'avoir les deux bouts, d'essayer de tenir les deux ficelles. C'est de la justice sociale. Alors, il y a plein de débats super intéressants sur mais est-ce que le rationnement, c'est pas une administration du désastre, etc. Encore une fois, je dis, c'est pas sympa, le rationnement. Simplement, si on doit organiser une réduction, on peut choisir de le nommer autrement. On peut choisir d'appeler ça allocation. Je pense que l'état d'esprit du partage est assez bien expliqué par l'idée de rationnement, et je pense qu'il serait important de sortir du discours un peu rapide qui est que le rationnement, c'est forcément le marché noir, c'est forcément l'administration. Encore une fois, Mathilde Chouba rappelle souvent, hein, pendant la Commune, en 1870-71, certains anarchistes réclamaient le rationnement et disaient que c'était les bourgeois qui refusaient le rationnement. Évidemment, parce que les bourgeois, s'il n'y a pas de rationnement, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc, les plus riches peuvent toujours acheter et peuvent avoir plus que leur part. Donc, il y a, historiquement, des situations où il y a une demande populaire de rationnement. Voilà. Parce qu'il y a une demande de partage. C'est juste ça. Et tant qu'on reste dans un imaginaire de monde infini où la croissance serait possible, effectivement, on peut continuer à dire non, mais le rationnement, on n'était pas là. La décroissance, on n'en est pas là. La limitation des jets privés, on n'en est pas là. Les yachts, on n'en est pas là. Je pense qu'on devrait dire qu'on en est là. Voilà. Contraintes très fortes sur les surconsommations, pas des taxes, des régulations, des interdictions qui permettront de libérer des marges de manœuvre pour les plus pauvres jusqu'à un certain point. Alors le problème, c'est qu'en France, à l'échelle mondiale, même les classes moyennes inférieures, sans doute pas les pauvres, mais même les classes moyennes inférieures sont plutôt dans les plus riches à l'échelle mondiale. Donc, c'est là que les tensions sont très fortes. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est facile. D'accord. Et justement, comme le thème de notre saison Angle d'attaque, c'est que ce que nous voulons. Comment la décroissance, du coup, est-ce que c'est toujours un modèle pour une utopie ou une nécessité un peu sombre en fait? C'est tout. C'est. On est dans une période d'assombrissement des horizons écologiques et climatiques. Je disais, cette ombre des catastrophes ou cette ombre de l'effondrement, elle se fait de plus en plus présente. Et je pense qu'on peut en faire abstraction intellectuellement pour débattre de manière théorique sur ce que c'est que la décroissance, mais pragmatiquement, cette ombre, elle est là et elle pèse sur la décroissance. Maintenant, est-ce que. Comme je disais, la décroissance, c'est une réduction dans son sens le plus utopique, hein, c'est une décision d'organisation du partage. Et de ce point de vue-là, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour dire, plutôt que de s'entre-déchirer, de s'entre-exterminer pour les dernières ressources, on pourrait décider d'organiser un partage. Il n'y a pas d'obstacle matériel à ça. Mais à quelle échelle, je veux dire Idéalement, ça devrait être à l'échelle mondiale. Oh. Ouais, effectivement, c'est le tout n'est pas à jeter hein, dans les négociations climatiques depuis une trentaine d'années. Loin de là, il y avait un principe très beau hein, contraction et convergence pour les émissions de gaz à effet de serre. Contraction, c'est il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, et convergence, à terme, il faudrait qu'on arrive tous, 8 milliards d'êtres humains, à le même niveau de consommation et d'émissions. Voilà, oui, c'est l'égalité dans la prise en compte de la contrainte. Maintenant, on voit bien que d'un point de vue géopolitique, on n'est pas du tout sur cette voie-là, mais on peut aussi réfléchir à l'échelle continentale ou à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Voilà, mais contraction et convergence, ça, c'est une autre manière de dire cet objectif de justice qui... Et là encore, il est trop tard pour certaines choses, certainement. Hein. Limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il n'y a pas encore totalement de consensus, mais on entend quand même de plus en plus dire qu'il est trop tard pour ça. Alors, il est trop tard. On peut toujours. L'enjeu, c'est aussi de savoir quand est-ce qu'on dépasse les 1,5 degrés et pour combien de temps. Parce qu'on peut aussi redescendre. Donc, on ne peut pas dire qu'il est trop tard sans tout de suite nuancer. En revanche, je pense que... Comment dire ? C'est ce qui est intéressant, je trouve, dans la science politique, hein, qui est dans la discipline dans laquelle à laquelle je me rattache, c'est que la science politique s'intéresse, c'est une des manières de le définir, à la manière dont les collectifs humains peuvent essayer de s'organiser pour prendre des décisions plus ou moins démocratiquement, même en situation de contrainte forte. De manière peut-être utopique, je dirais qu'il y a toujours des démocraties à réinventer, même en situation difficile. Et la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est des procédures et c'est aussi un esprit de partage, de protection des minorités. Voilà. Alors c'est plus compliqué hein, quand on est face à des, sur la scène géopolitique, à des régimes autoritaires, voire totalitaires, qui sont prêts à déclencher des guerres. Effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Mmh. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il est trop tard pour essayer d'organiser une décroissance juste. Mais est-ce que la justice est un gage, en fait, parce que c'est aussi la question, est-ce que, pour le dire autrement, est-ce que les dominés, si on leur dit, écoutez, on va supprimer les yachts pour les dominants, est-ce que c'est ça qui va faire que ça va les rendre plus disposés à accepter de renoncer à telle ou telle pratique, comme notamment la consommation de la viande? On sait que les plus pauvres mangent plus... plus de viande, vous voyez, c'est un peu une question un peu lancinante, et c'est un peu l'implicite aussi de pas mal de tenants d'une écologie progressiste, c'est de dire, voilà, la justice est la condition sine qua non. Alors, je m'interroge, est-ce que vraiment c'est une condition c'est peut-être une des conditions, mais c'est peut-être pas la seule condition. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est ça. Je pense que, voilà. Mais la question que tu soulèves, c'est finalement, c'est celle à laquelle se heurte l'écologie politique depuis une cinquantaine d'années. Hein. C'est fondamentalement l'écologie, comme je disais, pour moi, l'écologie politique, c'est une tentative de confrontation aux limites planétaires. Donc, c'est une toute idéologie à son versant, sa dimension utopique. Hein. Et l'utopie que porte l'écologie politique, c'est une société qui aurait réussi cette confrontation aux limites planétaires. C'est une pensée de la modération, de la limitation des consommations, de l'autolimitation collective, hein, pour reprendre Castoriadis. Une autolimitation collective organisée démocratiquement. C'est une utopie difficile à vendre, entre guillemets. Ah, c'est aussi une pensée de la raison. Enfin, c'est aussi essayer de faire entendre une voix de la raison. A fortiori dans une société d'abondance, quand même. Voilà. Énergétique. Donc, c'est sûr que face à d'autres idéologies porteuses de projets de société qui promettent, c'est un peu des marchands de rêve, hein, ben, on va revenir à la croissance, vous pourrez consommer plus, vous pourrez devenir riche, vous pourrez vous enrichir individuellement, collectivement, hein, vous aurez de voitures par foyer, vous pourrez prendre l'avion autant que vous voudrez, en plus il sera propre, donc en plus vous aurez bonne conscience, hein, et vos enfants pourront s'enrichir encore plus. Oui, ben c'est du rêve, c'est du rêve, et l'écologie politique a une difficulté structurelle. C'est sa croix, c'est de porter une voix de la modération. Peut-être que les sociétés ne veulent pas en entendre parler, je sais pas. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas suffisamment aussi dit que c'est... Aujourd'hui, il y a un écran de fumée, hein, qui est le fait qu'on pourrait être riche et écologiste, ultra riche et écologiste. Tant qu'on n'a pas dissipé cet écran de fumée, je pense qu'il est prématuré de dire que les sociétés ne veulent pas de l'écologie. Voilà. Oui. Morgane, une dernière question. Alors, justement, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais suggérer quelques mesures en fait à prendre vraiment dans l'immédiat, les premières mesures pour aller dans le sens de cette décroissance anticipée en fait ? Oui, alors ce sera forcément partiel et non exhaustif et discutable, hein, mais je pense que déjà d'un point de vue symbolique. Je dis symbolique parce que ce sera pas massif en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Réguler très fortement et pour finalement interdire ou rendre impossible, donc je préfère interdire finalement parce que c'est plus clair, certaines consommations ostentatoires de toute évidence incompatibles avec un mode de vie soutenable, donc les yachts, les jets privés, etc. Et ensuite, mettre sur la table l'idée par exemple d'une réduction, d'une décroissance du secteur aérien, une décroissance du secteur automobile. Moi, je rêverais de plans un peu détaillés, chiffrés, parce que j'aime bien que les choses soient tangibles, pour savoir comment est-ce qu'on passe, par exemple, en France, de 30 millions de voitures individuelles et quelques à 15 millions, ou 10 millions, ou 5 millions. Voilà. 5 millions de voitures individuelles en France, ça laisserait de... C'est pas zéro voiture, hein. Ça permettrait d'avoir des taxis, ça permettrait d'avoir des ambulances, ça permettrait d'avoir des voitures en milieu rural, éventuellement des voitures partagées. Mais ce serait déjà une réduction massive. Est-ce qu'on est capable de mettre ce type de questions sur le tapis ? Moi, je trouve que ce serait intéressant. Et là, on serait vraiment dans une forme de sobriété un peu ambitieuse, un peu à la hauteur des enjeux. Et comment est-ce qu'on organise cette contrainte ? Parce que c'est une contrainte. Et comment... Mais ça pourrait aussi être une émancipation. Ce serait des villes avec moins de voitures, ce serait moins de mortalité sur les routes, ce serait une meilleure qualité de l'air, ce serait donc des gains d'espérance de vie, potentiellement. Donc, voilà. D'accord. Merci Luc pour... merci à vous. D'avoir... On rappelle peut-être le titre du livre, c'est « Décroissance », donc au pluriel, on le répète, « Aux passagers clandestins ». Et c'est vraiment un livre extrêmement intéressant. Voilà, qui se lit très très facilement à offrir pour Noël. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, on vous remercie, on vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour poursuivre ce questionnement, notamment sur ce que nous voulons. Voilà, bon Ken. Ouais. Il y aura aussi des actualités d'attaque après. Sur la table, signer la naissance du développement durable. Les nations prennent conscience des limites du PIB, qu'on appelle dans le métier les externalités. L'air et l'eau sont pollués, les ressources disparaissent. Pour nos nos enfants, dis-moi, qu'est-ce qu'on laisse? Durable ou soutenable, c'est la même notion. Ouais mais mec, en fait il y a deux dimensions. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts. Dans les mers, les océans, de moins en moins de poissons. De toute façon, dans le futur, on aura l'aquaculture. Avec leur savant modèle théorique, les économistes nous vantent les bienfaits du progrès technique. Les innovations majeures seraient la conciliation entre croissance économique et conscience écologique. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, PIB, on ne parle que du PIB. La richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs bruts. La soutenabilité forte, c'est une autre vision. La biodiversité serait non négociable. Sans modification de nos modes de consommation. La disparition des espèces devient inévitable. Rien ne pourra remplacer le capital naturel. Tout ça va faire de la terre une vaste poubelle. Quand le climat sera totalement déréglé, même le progrès technique ne pourra rien changer. PIB, PIB, tout le monde ne jure que par le PIB. C'est une somme de valeur ajoutée. Que du PIB, la richesse créée au cours d'une année. Plus de pouvoir d'achat, moins de monde à Pôle emploi. Des recettes pour l'État et une dette qui s'en va. La croissance à tout prix, c'est la règle et c'est le but. Plus de classe, plus de lutte, juste plus de produits intérieurs. Et donc, c'était une chanson sur le PIB. C'était assez drôle parce que c'est un prof qui a fait ça pour réviser le paquet CES et le passer un petit peu de manière ironique. Et donc, on va passer aux actualités d'attaque. Aux actualités d'attaque, donc d'abord sur le plan international, attaque est toujours vent debout contre les traités de libre-échange, notamment celui entre l'Union européenne et le Mercosur, mais il y a eu aussi un de ces traités, Union européenne-Nouvelle-Zélande, qui a été malheureusement signé. Donc, c'est quand même des échanges essentiellement agricoles sur les ovins, les bovins, à 20 000 km de distance. Donc inutile de préciser que ça fait pas vraiment, ça n'arrange pas vraiment la situation climatique. Il y a un excellent article de Maxime Combes sur le sujet. Ensuite, le Forum social mondial, donc c'est la reprise quand même des forums sociaux mondiaux qui ont débuté à Porto Alegre dans les années 90. Là, ça sera du 14 au 22 février à Katmandou, au Népal. Donc c'est le premier forum qui aura lieu en Asie, et c'est important de le souligner. Sur le plan national, donc nous sommes entrés en résistance. C'est une campagne de 2024 pour la défense des libertés publiques qui en ont bien besoin avec ce qui se passe actuellement. Et amplifions la mobilisation contre la loi immigration en lien avec le collectif Uni contre l'immigration jetable. Donc c'est un appel à l'action le 18 décembre dans le cadre de la Journée internationale des migrants. À ce sujet, il y aura aussi une soirée cinéma, enfin une soirée débat à la Falle de Roubaix avec notamment Sophie Gigot. Le 11 janvier, donc, c'est le procès du commissaire Souchy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui dans le cadre des événements de Nice en mars 2019, dans le cadre d'une manifestation des Gilets jaunes. C'est celui qui avait envoyé, contribué à envoyer la militante d'attaque Geneviève Leguet, qui avait été blessée et hospitalisée. Donc son procès, va se dérouler le 11 janvier. On attend beaucoup quand même du verdict, hein, de l'accusation. Sur le plan local, bon, on a fêté les 25 ans d'attaque par les comités de la métropole lilloise. Donc c'était le 18 novembre, hein, ça fait déjà presque un mois. Bon, il y avait peu de monde en dehors des militants locaux, mais il y a eu quand même des débats intéressants autour des trois ateliers, hein, l'atelier historique, l'atelier bien commun et service public, et l'atelier grand projet inutile et imposé. Bon, il y a eu les prises de parole des membres fondateurs. Le tout s'est passé dans une ambiance assez sympathique. Il y a eu aussi des actions dans le cadre du Black Friday contre Amazon. Hein, des collages dans les bancs d'Amazon à la gare Lille-Flandre. Et on a reçu quand même un bon accueil général des gens à qui on s'adressait, à qui on a distribué des tracts. Sur Roubaix, on a eu aussi un débat public sur la santé, sécurité sociale, santé et hôpital avec Bernard Tepper, donc du conseil scientifique d'attaque, et aussi Jacques Adamski, qui est un militant CGT de l'hôpital de Roubaix. Donc un débat très intéressant où on a brossé un peu toutes ces questions et où il est question d'un collectif justement sur ces, peut-être élargi à d'autres aspects du service public sur ces questions. On a dessiné des bancs en magasin qui sont à prévoir au mois de janvier, donc les agités du bocage sur l'agriculture paysanne, et par la porte ou par la fenêtre, avec peut-être Patrick Ackermann, donc, qui est l'un des fondateurs de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom, sur la crise sociale à Orange, et notamment le procès qui a condamné les trois dirigeants de l'entreprise de l'époque. Ensuite, bon, cet après-midi, donc il y a rassemblement et manifestation Palestine, donc ce 16 décembre à 14h30, place de la République. Donc préparez-vous, mettez vos passe-montagnes et préparez-vous à y aller. Et enfin, la marche des solidarités, la manifestation contre les réformes de l'assurance chômage et contre la précarité. Donc ça sera le 21 décembre. Entre 18h et 21h, des informations à venir. Bon, sur c'est Jean Javet, de notre camarade d'Assé, qui pilote un peu la manifestation. Avec donc, on attend du monde. C'est pas la traditionnelle manifestation anti-chômage de décembre. Ça sera, on l'espère, une mobilisation réussie. Ah, ok. Voilà. Je ne sais pas s'il faut conclure. Donc la prochaine émission, ça sera au mois de janvier. Ouais, le 20 janvier. Le 20 janvier, le thème, c'était le... L'âge des low-tech, si je me souviens bien. C'est ça, oui. Voilà, on vous souhaite de joyeuses fêtes, et pas trop consuméristes, et on espère vous retrouver dès le mois de janvier. Et il y a Christian Latsou qui prépare aussi une émission sur... dans le cadre des émissions de fin d'année, sur quelques anecdotes à propos justement de l'émission Angle d'attaque. Voilà, au revoir. Et donc restez bien sur Radio Campus, ça va être le magazine de la radio, avec comme invité un expert en arts martiaux. Et voilà, bonne fête à vous tous. Voilà. Jadis, des ouvriers modèles vendaient leurs bras à la sauvette pour bâtir la France nouvelle, chantée par les nouveaux prophètes. Il y avait l'espoir après l'usine, que la vie irait en s'arrangeant. Ils confectionnaient les machines qui remplaceraient leurs enfants. Aujourd'hui, plus de perspective, l'ouvrier n'a plus rien à vendre. Sa force n'est plus compétitive, ses bras sont au prix de la viande. Mais surtout, ne va pas te plaindre, les syndicats n'y sont pour rien. D'ailleurs, tu n'as plus rien à craindre. Regarde, la croissance revient. D'ailleurs, tu n'as plus rien à craindre. Regarde, la croissance revient. Des femmes nues dans les clubs, pas dispo. Les guerres, les chinois, pas dispo. Si c'est le FN qui décide, je suis pas dispo. Non, je suis pas dispo. Ils veulent me bourrer la tête, enlever de la fête. prospère.